Ça va les amigos? Je parle de vous. Ouais. Vous vous êtes bien moqué hier hein, avec le petit Crêteville. Oui. Non. Moi je t'ai défendu. Mais c'est très moche que vous avez fait. Il était parfait. Moi j'étais cloué au lit hier avec mon chikungunya. Hein? C'est passé. Il y a un remède contre le chikungunya. Du thym, du miel, du citron. En fait, du citron. Du citron. C'est catastrophique. Dis-tu chamboulé, les amis? Ah oui, je suis chamboulé. Chamboulement. Comme Lynn Renault. Début de semaine, j'ai testé un nouveau truc sur le net. Tu tapes www et après tu mets le nom du site et ça apparaît quoi. C'est fou. J'en ai dans Blade Runner quoi. Mais où est-ce qu'on est? Alors, je cherchais la vidéo dont tout le monde parle, celle du petit chat qui devient ami avec un coronavirus. Vous voyez cette vidéo? Ouais. Eh bien, je tombe par hasard sur le discours de Joaquin Phoenix au BAFTA. Alors, les BAFTA, vous savez ce que c'est? C'est un peu la déclinaison anglaise des Magritte du cinéma en Belgique. Parce qu'en France, on appelait, je crois, les César, monsieur, ouais, oui. Ici, ça n'a pas de prestige, mais en Angleterre, c'est un vrai truc. C'est une grosse cérémonie, tu vois, il y a un beau repas, une belle vaisselle et tout. Quoi, vous vous rappelez ce qu'elle a déclaré quand Isabelle Adjani sur les Césars? Elle a dit, ça m'a fait plus d'émotion quand j'ai reçu mon permis poids lourd, quoi. Franchement, je m'en rappelle. Et des Césars, moi, j'en trouve souvent sur des brocantes. Moi, vraiment, l'autre jour, au Puce de Saint-Ouen, j'ai chopé ceux de Mathieu Almalric. Ils vendaient les trois pour 12 euros, comme ça, j'ai marchandé, je les ai eu pour 10, quoi, avec une mallette. Vraiment, c'était... Non, c'est vrai, c'est vraiment pas. Enfin, soit dimanche, Joaquin Phoenix, il reçoit son prix d'interprétation pour le Joker. Et là, devant un public pétrifié, il dénonce le manque de diversité dans le milieu du cinéma, en particulier dans les nominations au BAFTA, et il ajoute « J'ai honte de faire partie du problème ». Et ouais. Là, je vois ça et je me dis « Mais Joaquin, tu chies dans la colle, hein ? Ah, tu souilles de la glu, tu pisses dans une plante et tu lui reproches tes problèmes de croissance. » Ces gens ont la gentillesse de te donner un prix d'interprétation à toi, alors que franchement, le Joker, enfin, je veux dire, Joaquin Phoenix, il est photogénique, hein, c'est pas ça, mais en tant qu'acteur, je veux dire. Par exemple, je sais pas, vous souvenez du film 3-0 avec Samuel Le Bihan? Je parle pas du scénario et tout, hein. Ah non, mais vous oubliez pas. En termes de performance d'acteur, c'est quand même. Allez, c'est un autre niveau, quoi. Et... J'ai honte de faire partie du problème. Moi, j'essaie de comprendre sa logique, d'accepter quand même le prix, alors. Tu vois. Prenons que moi, je me rends compte que j'officie sur une chaîne de radio progressiste où on dit beaucoup de mal de l'extrême droite, mais où quand tu regardes les humoristes maison, tu te dis rarement « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont diversifiés hein ?» Est-ce que c'est une pub Benetton, c'est français? Je ne sais plus. Non, rarement. En termes de diversité, ici, tu te dis plus, tiens, on dirait une liste du RPR en 72, dans le Jura. C'est plus la tête des humoristes. Très belge, quand même. Moi, je suis un mauvais exemple parce que je suis issu moi-même de la diversité, ouais. Forcément. Ernesto Cristobal Guacamole Garcia, fils du plateau calcaire. Moi, j'ai quitté le Yucatan quand j'avais quoi, 36 ans. Mes parents sont amérindiens, mes grands-parents sont amérindiens. Dans mes chroniques, il y a toute la souffrance de l'Amérique centrale. Mais je veux dire, donc je ne suis pas concerné par la surabondance de blancs sur la chaîne. Mais prenons que, imaginons que mes parents aient vécu à Bruxelles depuis, disons, le Mésolithique, par exemple. Voilà, que je sois tellement blanc de peau que chaque fois qu'il y a une lumière s'allume, je chope un nouveau grain de beauté. Imaginons. Eh bien. Est-ce que j'utiliserai la tribune qu'on m'offre pour dire j'ai honte de faire partie du problème? Moi, je sais que je fais partie du problème, mais en fait, j'aime bien. C'est pas si mal la bande originale. Allez, parfois, t'as de la chance. Nagui, il est dans un bon jour. L'autre fois, il m'avait salué. Ça m'avait fait mon semestre. Vraiment, j'avais dit, mais salut à toi, Nagui. Ça m'avait ému, quoi. Moi, je trouverais ça formidable, vraiment, qu'on ouvre davantage cette radio à des descendants d'immigrés. Mais pour libérer la place, je préfère qu'on commence par d'autres. Hein. Fanny Ruet, déjà de base, c'est la dernière arrivée. Moi, je suis pas spécialiste du droit des entreprise, mais dernier arrivé, premier parti. Hein. Ah ouais, elle est belge en plus, ils n'ont pas besoin d'indemnité ces gens. Ou alors Tanguy Pastureau, ça libère 5 places d'un coup. Et en plus, il est même pas pour la diversité, lui en plus, c'est vrai. Daniel Morin, bon, pour d'évidentes raisons de Daniel Morin. Ou Jérémy Crédville, parce qu'il dit que je porte des t-shirts de l'âge, alors que j'ai aussi des pulls qui viennent de l'ancienne Allemagne de l'Est, c'est vrai. Alors du coup, si je transpose ça au cinéma, c'est vrai que ça me pend au nez, parce que moi je suis césarisable, hein, tout le monde me le dit. J'ai pas encore tourné de film, mais on me dit tout le temps, qu'est-ce que t'es césarisable? Et quand je serai césarisé, hein, ben, je dirais votre imitation des Magritte du cinéma, là, elle est raciste. Vous savez, vous pouvez vous le mettre, votre prix, au Puce du Saint-Ouen. Dans sa mallette. Allez, bonne émission, les amis. Merci, bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.